Alors qu'il passait l'hiver à Bordeaux, Toulouse-Lautrec se rendit au Grand Théâtre pour voir l'opéra Messaline. Ses contemporains ont rapporté qu'il n'arrêtait pas de crier « magnifique » depuis son siège aux grandes dames des autres spectateurs du théâtre. La réaction passionnée de Toulouse-Lautrec ressemblait à ce qu'il appelait ses « furies », ses obsessions intenses pour certains artistes qui, pour la plupart, étaient des artistes de cabaret. Il retournait les voir se produire encore et encore, essayant de capturer la particularité de leurs gestes et le style de leurs performances dans son art. Alors que l'opéra est peu représenté de nos jours, la première de Messaline à l'Opéra de Monte-Carlo en 1899 donna lieu à des éloges enthousiastes et fut par la suite produit dans toute l'Europe.